Nous avons barricadé les portes, mais cela ne les retiendra pas très longtemps. Le sol tremble. Les tambours viennent des profondeurs. Une ombre s'avance dans le fond. Ils arrivent. La belle brute corte. Musique indépendante. Première composition du collectif. Micro-tempête, monte son business tout en finesse. On va te faire suer à grosses gouttes, t'auras pas besoin de faire du fitness. Entreprise en mouvement, je m'invite dans vos tympans. Pour percer, j'ai un putain de plan, c'est de plus en plus tentant. Je prends le beat sanglant, sur ma vie ça va être sanglant. Je rappe sans faux semblant et je fais aucune instru en semblant. Je pense qu'on est meilleur que les autres sans prétention. Même si ton son a dépassé la date de péremption. Le mien déborde avec poussant, vodka Smirnoff. Je suis si fort, la puissance de frappe de Clarence Seedorf. Si cyclone ou micro-tempête, dis-le si on t'embête. Ici c'est Polo pour Freakords Concept. À l'heure où des rappeurs se prennent pour les darons du grand banditisme, font croire qu'ils roulent en humeur mais se font lyncher. Urban Peace, JPAF, petit rappeur 18 piges. Viens foutre la trique à ces mythos, suceurs de tiges. Je me présente et je le fais pas dans l'anonymat. Moi c'est Jean-Patrick Fresti, j'ai peut-être un prénom de bourgeois. Yeah. Mais si t'aimes pas, je te casse en deux et puis voilà, écoute-moi bien, je suis pas là pour faire du bla bla bla bla. D'origine italienne, je suis fruit d'une folle et d'un inconnu. Pas très facile à dire, je sais, mais je dépose un aperçu. Une vie de merde, beaucoup de problèmes et de vécu. Toujours debout pour Freakords, rappelle-toi de nous, c'est que le début. Ah! Ici c'est Bugsy au micro, centre affichateur de bois, pas de mytho. En préparation tu vas bientôt, entends parle-moi dans le tram ou métro. Alors crapote pas ce que je dis, vas-y aspire, bien. Si je suis ici c'est qu'on est venu me chercher, moi je suis resté en chien. Et ouais mon frère l'initiateur, ensuite Dessor le précurseur. Après Polo le producteur, et moi Bugsy le détonateur. Vous m'entendrez tous venir, je vais vous arracher l'oreille comme personne. Tu croyais me connaître par cœur, ma voix résonne et ça t'étonne. Nous c'est Freakords Production, on est des petits rappeurs indépendants. Mais fais-toi pas d'illusions, on en retient mal à te rentrer dedans. Tous Freakords, tous impliqués, tous au taquet, écoute bien la tempête. Viens qu'on se mette d'accord avant de critiquer, de parler en mal sur le net. Oh, je déballe mes phrases, je débarque à la rage, j'essaie de parler la rage même si ça vous déplaît. Mon rap plus de colère parce que la vie fait trop de peine et m'a laissé trop de paix. C'est la même NMM en gaine qui entraîne tous les pélos présents sur ce morceau. Ici y'a pas de pro, y'a pas de pro, on a pas sucé le micro dans l'enculé pour caler en studio. Pas peur de la compète, on a la trompette et le souffle indépendant qui va avec. Pas de montée en flèche, on a pas la grosse tête et on reste gratuit sur internet. On reste aussi toujours à la conquête du buzz, donc toujours en train de poser. De débiter des mots, de déchaîner le flow parce que je m'imposais que mon cerveau implosé. Et ouais, c'est DFCR, je traîne à deux pattes d'épilepsie. Même si en vrai j'en rêve, j'évite la mort, j'évite les decks épilepsie. Je viens faire mon blast sans faire de thunes parce que ma plume est loin d'être en panne. Nouvelle adresse donc comme Polo, je vous présente pour tous les mecs de Villeurbanne. Si, si, pour tous les mecs de Villeurbanne. Attention aux Freakords, y'a la Martinique qui débarque. T'as l'âme, c'est DJ Lance, man. Les mecs là, même savent ça, ou même connaître ça, parce qu'on est même à l'aise. Originaire d'un équipe top et déchet, c'est un Amérique sans m'en parler. Au dimadine, n'arrêtez la madine, ne sa pas digne. Nous pas en laisse à Tony, qu'a quand même blessa. DJ Epic Friends, faut qu'on coûte ça. J'assure. Dans le haut, ça explose. Rapid and soul implose. En French, il s'expose. Qu'est-ce que nous décadépose. Nous toujours qualité pour un son de qualité. Parce que nous n'y en qualité, nous qu'a fait la parité. C'est pas ni de ton limite, c'est pas que je m'imite. Son propre permis, assimilé. Au gâté, pas millier, baillot. Nous pas ni pitch, yo pépé. Pas toasté, yo pépé. Pas testé, yo les faits. Qu'on toasté, mais toasté qu'à contester. Nous vini pour militer, maintenant qu'à vie nous représenter. Personne peut pas venir tester parce que nous-mêmes nous dangerons. Bah nous en maquille un ridim pour nous peut ça vini toaster. L'Alliance Mai et Freakords qu'à vini pour mettre ça au pays. Why? Écoute nos lyrics, ne deviens pas comme ces samboires qui veulent te se détester sans qu'ils soient de taille. Ils ne savaient pas que l'Alliance Mai était déjà paré depuis long time pour la bataille. Boy. Polo, en laisse ça. J-Paf, en laisse ça. Bugsy, en laisse ça. Et DevSir, en laisse ça. DJ, en laisse ça. L'Alliance Mai, en laisse ça. Et Freakords, ça fait quoi? Ça fait pull up ça! Yeah man! 97269. Oh les mecs là, ils ont déjà connaître. Yeah man! Avis de tempête sur le micro!